2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Boum boum. Musique française et francophone curieuse. Mm-hmm. Tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Je suis arrivé à la seconde près dans les studios. J'ai eu le temps de régler la lumière, de faire mes petites notes, mais j'ai pas bloqué mon micro, donc je vais le tenir d'une main. Tant pis. Comment ça va, Jonas ? Ça va très bien, Vincent. Oh là là, du coup, petit problème de micro là. Hop là. C'est bon, je crois qu'on t'entend. C'est bon, ouais, ouais. Et regarde, moi aussi, je suis en train de régler tout ça. Ça va grincer, ah, ça tout ça. Ça veut pas tenir. Tu tiens la main ça. Comme Elvis Presley, la conférence que je regardais avant de venir à Pollen. Ah, c'était bien. Alexis Thébaudot. Alexis Thébaudot. C'était pas terminé. Un prunien. Ouais, voilà. Et donc, très, très, très bonne conférence. Voilà. Magnifique, avec les moyens du bord. Moi aussi, je suis arrivé bien à la bourse ce soir. Normalement, on est prévoyant, on arrive genre à 21h30, c'est on se raconte nos petites vies et tout. Et là, c'était plutôt 21h52 me concernant. Mais c'est très bien aussi. Du coup, mais tout va bien se passer, d'autant que le mix est déjà enregistré. On a un invité virtuel ce soir. Cet invité virtuel, il s'appelle Fanche. Fanche, un DJ que j'adore, entre Angers et Nantes, Angers. Il fait partie du collectif La Bamboche, qui organise plein de top super à Nantes. Il fait partie des nombreux DJ qui contribuent au bon fonctionnement de Radio DY10, qu'on salue. Franchement, je le dis pas. Enfin, il y a plein de DJ que j'adore, mais Fanche, il est vraiment dans le top 5, pour pas dire dans le top 3 de mes DJ préférés. À chaque fois qu'il joue, il se passe un truc magique. Et même quand il approche un dance floor, même quand il est pas DJ, quand il est en train de danser, ça veut dire qu'il choisit ses soirées. J'adore Fanche en tant que danseur, j'adore encore plus en tant que DJ. C'est son deuxième passage, je crois, dans l'émission à Fanche. Il part pour un long voyage de quelques mois en Amérique du Sud d'ici quelques semaines. Et avant de partir, je lui ai dit, tu nous ferais pas un petit mix pour Boum Boum quand même. Il nous a fait ça ce matin, il nous l'a envoyé dans l'après-midi, un mix à son image, assez monstrueux. J'ai écouté les 25-30 premières minutes dès qu'il l'a envoyé tout à l'heure avant de faire autre chose. C'était plutôt cool, je me suis gardé les 30 dernières minutes pour la surprise ce soir dans Boum Boum. On écoute ça, Jonas ? Très bien, et puis on va se raconter nos petites vies sur les canapés de prune parce qu'on a à peine eu le temps de se dire bonjour. Voilà. Fanche est dans Boum Boum, ça nous fait hyper plaisir. Merci Fanche d'avoir pris un peu de temps avant ton voyage en Amérique du Sud. On espère que tu vas vite revenir danser avec nous comme DJ ou comme danseur. Fanche dans Boum Boum, musique française et francophone curieuse. Bonne c'est écoute, parti. Les petits loups. Thank you. À la visite de mon corps, je suis arrivé en retard. Essoufflé sur le tapis rouge de Balenciaga. Dans le silence de mes mollets, j'entendais le groupe parti sans moi, déjà loin dans l'œsophage. Et des paroles du guide rendues inintelligibles par l'écho. Le café de la source, la douche au bleu de Marie. terre sèche. Gloria hurlait sous les fenêtres. Pour le baccalauréat. Des pinks aussi. Bonbon et Philippe. Le tabac brun a roulé. Zigzag, etc. Près des trois bancs, je jure ça. Je monte l'escalier et Vlad est là. Ma veste en jean, strychnine, un iroquois, des perfectos. On sent la vache tenace. Le sylphie, le samedi, Modeste NKO, les tequilas, l'appartement de Jérémy, la bagnole de Ballona. Dans les toilettes, des sueurs froides, une course-poursuite, du moulin à vent, au toit de l'université, le bas d'un escalier, un horodateur par le balcon, le café des sports, Chantal, Fernand qui sourit, les expressos à crédit, un cocktail de fruits vodka sur la plage, le Mumba. Gloria et guérilla. Dimanche matin, la guerre, le vin. Le piré, les Hells Angels. L'estaminé, le vin mauvais. C'est moi qui t'ai suicider en amour. Moi qui t'ai ouvert l'veine, je sais. Maintenant tu es avec les anges, pour toujours et à jamais. That's for sure. If there ain't Thank you. bouger. suis une erreur. Thank you. dimension surhumaine qui donne l'oxygène. C'est ainsi qu'on danse sur la musique, ainsi qu'on bouge et qu'on s'agit, ainsi qu'on se passe sur les deux faces, ainsi que ça passe un trafic efficace. Oui. Ok, what's with what? Cherche snack bar, petite bouffe ce soir en ville, coin tranquille.